2010, yeah. La bombe avant l'album. Ok. Yeah. Yeah. Raconte-moi tes rêves. Raconte-moi tes rêves. Raconte-moi tes rêves. Escribe. Yeah. Raconte-moi tes rêves. Raconte-moi tes rêves. Mon pote, vas-y raconte-moi tes rêves. Embrasser la belle vie, sentir le bonheur sur mes lèvres. Moi je rêve d'une vie simple et d'un avenir sain. Rien de plus à part voir le sourire sur le visage des miens. Escarla, raconte-moi tes rêves, dis-moi de quoi tu rêves. Moi je rêve de vivre en paix, mettre à terme à mes problèmes. Moi je rêve de la belle vie, construire un navire. Je rêve de choses qui n'ont pas de prix, pas du tout comme Dolimani. Escrit photo, j'ai fait un rêve cette nuit. J'imaginais simplement que j'avais changé de vie. J'avais quitté mon bâtiment, là de mon stress et mes ennuis. J'étais retourné au pays, histoire de revoir la famille. Tellement de choses à dire que j'en écrirai des pages, t'sais. Mes rêves de gosse sont toujours là, pourtant j'ai pris de l'âge. Moi, je me vois toujours sans prendre la scène, comme il y a 10 ans, en écoutant le suprême NTM. Escribe, imagine si nos rêves se réalisaient. Quand j'y repense, y'en a tellement qui me viennent à l'idée. Hier, j'ai rêvé que les gens n'avaient pas changé. Moi et toute la team, à l'ancienne, on bravait les dangers. J'ai rêvé de voir mon fils grandir, non. J'ai rêvé de voir ma femme s'épanouir. Et c'est là même chaque nuit, jusqu'à ce que le soleil se lève. Les mêmes rêves, les mêmes envies, et le jour me les enlève. Escrit mon pote, vas-y raconte-moi tes rêves. Embrasser la belle vie, sentir le bonheur sur mes lèvres. Moi je rêve d'une vie simple et d'un avenir sain. Rien de plus à part voir le sourire sur le visage des miens. Escarla, raconte-moi tes rêves, dis-moi de quoi tu rêves. Moi je rêve de vivre en paix, mettre à terme à mes problèmes. Moi je rêve de la belle vie, construire un navire. Je rêve de choses qui n'ont pas de prix, pas du tout comme Dolimani. Un jour on m'a dit vis tes rêves et ne rêve pas ta vie. J'essaye d'avancer comme je veux, mais la poisse me ralentit. Le chemin est long et je vais grandir avec le cœur balafré. Trop de cicatrices mon pote, regarde mon cœur est agrafé. Je regarde vers l'horizon avec le peu d'espoir que j'ai. Je rêve d'un avenir meilleur pour moi et pour les gens que j'aime. Tu m'as cerné, je rêve pas de grosses caisses ni de grosses aspects. Je tue les futilités au cran d'arrêt. Yeah, j'ai plein de projets dans ma tête. Le bonheur est ma priorité, Scarla, voilà ma quête. La tranquillité du cœur, du corps et de l'esprit. Je ne rêve que de ça, je ne rêve que de choses qui n'ont pas de prix. Parce que le matériel, on ne va pas m'enterrer avec. Une vie de millionnaire sans amour, c'est synonyme d'échec. Parce que ma vie est magnifique dans mes rêves en général. Alors mon rêve est de vivre sous anesthésie générale. Escrit mon pote, vas-y raconte-moi tes rêves. Embrasser la belle vie, sentir le bonheur sur mes lèvres. Moi je rêve d'une vie simple et d'un avenir sain. Rien de plus à part voir le sourire sur le visage des miens. Escarla, raconte-moi tes rêves, dis-moi de quoi tu rêves. Moi je rêve de vivre en paix, mettre à terme à mes problèmes. Moi je rêve de la belle vie, construire un navire. Je rêve de choses qui n'ont pas de prix, pas du tout comme Dolimani. Je rêve d'un monde meilleur, paisible pour nos futurs enfants. Et que l'éternel embrasse nos parents. Toutes les nuits je rêve du retour de ma mère. Et le matin quand je me lève, je me rends compte que le rêve est éphémère. C'est toi et moi, je crois qu'on se comprend. On court après le bonheur et on rêve depuis longtemps. Parfois on dit moi que j'ai la tête dans les nuages. Et ouais je fonce, personne ne m'arrête, j'irai toucher les étoiles. Escarla, ça fait mal de rêver d'une vie qu'on n'a pas, d'un amour qu'on n'a plus, d'une personne qu'on a perdue. Peur du futur parce que trop de déceptions. Je rêve d'une vie où j'ai les réponses à toutes mes questions. Ok. Et ouais je rêve toujours d'avoir la vie de rêve. Même si j'ai compris qu'ici c'est des marches ou crèves. Et y'a tellement de choses qui me donnent de l'espoir. Qu'aujourd'hui mon avenir je peux enfin l'apercevoir. Escrit mon pote, vas-y raconte-moi tes rêves. Embrasser la belle vie, sentir le bonheur sur mes lèvres. Moi je rêve d'une vie simple et d'un avenir sain. Rien de plus à part voir le sourire sur le visage des miens. Escarla, raconte-moi tes rêves, dis-moi de quoi tu rêves. Moi je rêve de vivre en paix, mettre à terme à mes problèmes. Moi je rêve de la belle vie, construire un avenir. Je rêve de choses qui n'ont pas de prix, pas du tout comme Dolimani.